Bismillah walhamdu lillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'a huda. Amma ba'du, fa aujourd'hui le 25 du mois de Rabi'an al-Awwal de l'année 1443 après la Hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le quatrième cours de notre série de cours sur l'explication des six fondements de Cheikhul Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Il dit rahimahullah ta'ala dans le sens de ses paroles le troisième fondement. Figurant parmi ceux qui parfait l'unité, l'écoute et l'obéissance à celui qui nous gouverne, quand bien même il s'agirait d'un esclave abyssin. Allah a suffisamment éclairci ce principe par diverses démonstrations, aussi bien religieuses à travers les textes que rationnelles à travers les faits. Puis ce fondement fut méconnu par la plupart de ceux qui prétendent détenir le savoir. Comment pourrait-il donc être mis en pratique? Donc ce troisième fondement, écouter et obéir à celui qui détient le commandement parmi les musulmans, qui fait partie des fondements des gens de la Sunna. Avant de commencer l'explication de ce fondement, je vous avais promis au cours dernier, et on va en avoir besoin aussi pour ce cours, de vous expliquer la différence entre les deux sortes de vouloir, le voulu ou le vouloir d'Allah tabaraka wa ta'ala, al-irada. Allah tabaraka wa ta'ala, azza wa jalla, est caractérisé par nombre d'attributs, de sifat, comme il s'est caractérisé lui-même et comme l'a caractérisé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces attributs, l'attribut de al-irada, le vouloir ou le voulu. Et j'avais évoqué au cours dernier qu'il y a deux sortes de vouloir, deux sortes de voulu. Nous pouvons voir ceci dans les textes du Coran et de la Sunna. Les savants ont pris comme preuve de cela, c'est-à-dire de diviser ou de détailler le voulu ou le vouloir d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'irada, en deux sortes. Ils ont pris comme preuve ce verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit: et puis quiconque, dans le sens de ses paroles, et puis quiconque Allah veut guider, et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Le verset 125 de Surat Al-An'am, les bestiaux, la Surat numéro 6. Dans ce verset, nous trouvons la preuve que Allah tabaraka wa ta'ala est caractérisé par deux sortes de vouloir, par deux sortes de voulu, deux sortes de irada. Ces deux sortes de irada, de vouloir ou de voulu, que les savants nomment al-iradatu al-kawniyya wa al-iradatu al-shar'iyya. Al-irada al-kawniyya wa al-irada al-shar'iyya. Le voulu ou le vouloir de création et le voulu ou le vouloir de législation, dans un sens approximatif, et lorsque je vais l'expliquer ici, il vous apparaîtra mieux le sens de ces deux termes. Al-iradatul kawniyya, donc le voulu ou le vouloir de création, ce qui est appelé aussi dans les textes du Coran et de la Sunna, ce qui est désigné dans les textes du Coran et de la Sunna par al-mashi'a. Al-mashi'a, qu'on traduirait aussi par le voulu ou le vouloir. Et lorsque ce terme est employé dans les versets du Coran ou les ahadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-mashi'a, wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah rabbul alamin. Al-mashi'a, ici, elle désigne cette irada, ce voulu de création. Al-irada al-kawniyya. Et la deuxième, al-irada al-shar'iyya, donc ce voulu ou ce vouloir de législation ou de loi ou de religion, est celle qui est caractérisée ou qui est désignée par al-mahabba, l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je m'explique ici en donnant la différence qu'il y a entre ces deux sortes de voulu. Cette chose que nous apprenons ici, bien que nous ne sommes pas encore rentrés dans les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala dans nos cours, est une chose qui nous servira lorsque nous rentrerons dans des livres prochains dans ces sujets et est une chose qui nous sert, ici, de savoir la différence entre ces deux sortes de voulus. Elle nous sert pour comprendre plusieurs points de notre religion, en particulier Al-Qadar, la prédestination. La prédestination, qui fait partie des six piliers de la foi, comme vous le savez. C'est un point qui est très important. Et le fait de ne pas bien comprendre la différence qu'il y a entre ces deux sortes de voulus d'Allah, tabaraka wa ta'ala, emmène une personne à douter à propos de la prédestination et à propos aussi de la sagesse d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans sa prédestination. La première de ces deux sortes de irada, de voulus, Al-Kawniya, donc de la création, est une chose qui doit arriver impérativement. Qui doit arriver impérativement. Faites un petit tableau. La première irada, la deuxième irada. La première ici, le voulu de création. Cette dernière doit arriver impérativement. C'est-à-dire que lorsque Allah Azza wa Jal veut qu'arrive une chose par ce voulu-là, qui est voulu ici, ce voulu de création, cette chose doit arriver. Cette chose arrive. À l'inverse de la deuxième sorte de voulu, l'iradatu shar'iyya, ce voulu de législation ou de religion, qui peut arriver comme elle peut ne pas arriver. Je m'explique en donnant des exemples. Après cela, la deuxième de ces différences, concernant le premier voulu, le voulu de création, ceci est dans ce que Allah aime et ce qu'il n'aime pas. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala peut vouloir une chose, mais ne pas l'aimer. Donc, celle-ci concerne ce que Allah aime et ce qu'il n'aime pas. À l'inverse de le voulu de législation ou de religion, ceci n'arrive que, ou ce voulu n'est que dans ce que Allah aime. Et c'est pour ça qu'il est désigné par le mahabba dans certains textes. Je vais m'expliquer sur tout cela. La troisième chose, qui n'est pas une différence entre les deux, mais vous pouvez le mettre en dessous. Les deux sortes de voulus, les deux sortes de irada, se réalisent, se concrétisent dans le voulu de religion. Al-irada shar'iyya, la deuxième sorte, le voulu de législation de religion. Mais ne se réalise pas forcément dans le voulu de création. Je m'explique ici, rapidement. Dans le premier sorte de voulu, l'irada al-kawniya, le voulu de création. On a dit que cette dernière doit arriver impérativement. Lorsque Allah Azza wa Jal veut une chose selon ce voulu-là, vous trouverez ce terme-là, l'irada, dans plusieurs textes du Coran et de la Sunna. Il te faut faire la différence entre ces deux sortes de voulus pour bien comprendre ici. Pour comprendre la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour comprendre sa prédestination tabaraka wa ta'ala. Lorsque Allah azza wa jal veut une chose dans ce voulu de la création, l'irada al-kawniya, elle est obligée d'arriver. Elle arrive sans aucun doute. Comme par exemple, la mécréance de Abu Lahab. Abu Lahab, un mécréant, il est mort en étant non-croyant. Il faisait partie des plus grands ennemis de l'islam. Est-ce que Allah Azza wa Jal a voulu sa mécréance? Hein? Ahsante. Ici, l'ulama, quand on parle de ça, certains parmi l'ulama, ils ont dit, il faut faire un détail. On ne peut pas dire oui, si oui, si non. Ou on dira que la personne qui dira oui, il voudra une chose et celui qui dira non, il voudra une autre chose. Mais ici, on va donner un détail. On va dire, est-ce que Allah Azza wa Jalla a voulu cette chose? Si tu veux, par cela, le voulu de création, l'irada al-kawniya, oui, il l'a voulu. Si tu veux, par cela, l'irada shar'iyya, le voulu de législation, de religion, il ne l'a pas voulu. Vous comprenez? Donc on dit ici que Allah Azza wa Jalla a voulu cela selon son premier voulu, l'irada al-kawniya. Le fait que rien dans sa création n'arrive que s'il le veut, tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas une chose qui arrive. Est-ce que Allah Azza wa Jalla veut la mécréance? Si on parle de ce voulu-là, le voulu de création, oui, il l'a voulu. Mais est-ce qu'il l'a voulu shar'an? Est-ce qu'il l'a voulu selon sa législation? Est-ce qu'il l'a voulu selon sa religion? Non, il ne l'a pas voulu. Vous comprenez ? Donc ici, on explique la première de ces différences, le fait que la première sorte de vouloir, l'irad al-kawniya, donc de création, doit arriver impérativement. À l'inverse de la deuxième sorte de voulu, du deuxième sorte de vouloir, qui est le vouloir dans sa religion, ne doit pas forcément arriver. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala demande à l'ensemble des gens de croire. Est-ce que nous voyons que l'ensemble des gens croient ? Non. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala veut pour l'ensemble des gens qu'ils rentrent en islam. Mais ce vouloir-là d'Allah tabaraka wa ta'ala est un vouloir de religion, de législation. Et il n'arrive pas forcément comme ici. Nous voyons que l'islam ne se réalise pas chez l'ensemble des gens. Malgré que c'est ce que Allah Azzawajal veut. Vous comprenez ? La deuxième différence entre les deux, le fait que la première sorte de vouloir, donc Al-Kawniya, de création, concerne ce que Allah aime et ce qu'il n'aime pas. Donc elle englobe ce que Allah aime et ce qu'il n'aime pas. Alors que la deuxième sorte, son vouloir, tabaraka wa ta'ala, de religion, de législation, concerne simplement ce qu'il aime. Donc, l'islam de Abi Bakr, As-Siddiq, radiallahu anhu, concerne quel vouloir d'Allah, tabaraka wa ta'ala ? Hein ? L'irada shar'iyya, le vouloir de législation, hein ? Ahsant, les deux. Et ça, les deux, c'est par rapport à cette petite phrase que je vous ai donnée après avoir fait les différences, qu'il faut écrire en dessous. Cette dernière, les deux se réalisent, les deux vouloirs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, les deux irada se réalisent dans l'irada al-shar'iyya, le voulu de législation, mais pas forcément dans le voulu de création. Nous voyons que l'islam d'Abu Bakr, c'est quelque chose que Allah aime et agrée. Et cette chose s'est réalisée. Donc, nous disons qu'elle concerne les deux vouloirs d'Allah Azzawajal, le voulu de création et le voulu de législation. Le fait que l'ensemble des hommes rentrent en islam concerne quel voulu ? Tfaddal. Les deux ? Hein ? Religieuse. Pourquoi ? Parce que elle n'est pas arrivée cette chose-là. Allah Azzawajal le veut, certes, veut cette chose-là. Mais cette chose n'est pas arrivée, on ne trouve pas tout. Tu comprends ? Dans cette hypothèse-là, naam. C'est pour ça que j'ai donné une chose, un fait réel, l'islam de Abu Bakr. Les deux se réalisent puisque c'est une chose qui est vraiment arrivée. L'islam de tous les hommes, Allah Azzawajal désire cela. Et Allah Azzawajal veut cela. Donc ce vouloir est le vouloir de législation, de religion. Et donc nous voyons qu'ici, il n'y a que ce vouloir-là, que ce vouloir de législation et non les deux, puisque cette chose n'a pas été concrétisée. Vous comprenez la différence ? Ceci est très important. Ceci est très important. Pour bien comprendre, comme je vous l'ai dit, la hikmah, la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa prédestination. Et lorsque vous maîtrisez la différence entre ces deux sortes de vouloirs qu'on trouve dans maintes et maintes textes, eh bien, cela vous empêchera de tomber dans beaucoup d'ambiguïtés concernant les ambiguïtés de la prédestination, dans la prédestination qui peuvent être données par les gens qui ont des ambiguïtés dans Al-Qadar, la prédestination et autres. Rentrons ici. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? S'il faut qu'on réexplique un petit peu, on donne d'autres exemples. C'est-à-dire, par exemple, le vouloir de la législation. C'est-à-dire, en fait, c'est le libre arbitre qui rentre en jeu, du coup. Ça, c'est autre chose. Là, tu nous rentres dans d'autres choses encore. Sahih. Sahih. Mais ça, c'est encore autre chose dans laquelle je ne veux pas rentrer tout de suite. D'accord. Vous avez compris, c'est bon ? Barakallahu fikoum. Fadl Biram. Juste sur la dernière phrase, tu dis si les deux vouloirs se concrétisent, de création et de législation, ou alors un seul des deux se concrétise et pas l'autre. Non ou pas ? C'est pas ça. Non, par rapport à ça, j'ai dit donc que les deux vouloirs se concrétisent dans une chose qui est voulue par Allah, lorsqu'une chose arrive, de ces choses qui sont voulues dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'une chose arrive, les deux sont concrétisés. Lorsqu'une chose, voilà pour bien détailler, lorsqu'une chose arrive dans ce que Allah azzawajal veut dans sa législation, lorsqu'une chose arrive, eh bien ce sont les deux voulus qui sont en question. C'est-à-dire qu'une chose arrive selon l'irad al-kawniya et l'irad al-shar'iyya, lorsqu'elle arrive comme l'islam de Abu Bakr. À l'inverse d'une chose qui est voulue par Allah Azza wa Jal dans la création, eh bien cette chose-là est une chose que Allah aime, comme on l'a dit, et peut aimer ou peut ne pas aimer. Donc à ce moment-là, lorsque ce sera une chose que Allah Azza wa Jal n'aime pas, comme par exemple la mécréance de Abu Lahab, dans celle-ci ne se concrétisent pas les deux formes de vouloir. Donc le troisième fondement, écouter et obéir à ceux qui détiennent le commandement parmi nous. Écouter et obéir aux gouverneurs musulmans. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit dans le sens de ses paroles, dans le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, se trouve un éclaircissement de ce fondement. Parmi ces preuves, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi vous. De même que dans sa parole, et cramponnez-vous tous au câble d'Allah, ou cramponnez-vous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Faites bien attention à cela, Cheikh Ibn Uthaymin, pour illustrer ce fondement, a pris comme preuve ce verset que nous avons pris comme preuve aussi pour le fondement passé, le deuxième fondement. Pourquoi ? On va y arriver. Puis il dit, et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons nombre de hadith, parmi eux ceux qui se trouvent dans les deux recueils authentiques, Sahihain, le hadith de Ubadah ibn Samit, radiallahu anhu, où il dit, dans le sens approximatif de ses paroles, nous avons donné allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'obéir et d'écouter dans ce que nous aimons et ce que nous détestons, dans ce qui nous est facile comme ce qui nous est difficile, et ceci même si ça va à l'encontre de ce que nous désirons, ce que nous voulons, dans le sens de ces paroles. Et de ne pas, donc ceci est la chose, ceci fait partie du pacte qu'ont passé, l'allégeance, le pacte qu'ont passé les compagnons avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez. Et de ne pas rechercher ou chercher à ôter le commandement de ceux qui le détiennent. Et as-sahaba, pardon, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sauf si vous voyez de la non-croyance claire auprès de vous, venant d'Allah, ayant à cela une preuve claire, un burhan. Il dit aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui, dans le sens de ses paroles, celui d'entre vous qui voit sur son gouverneur, sur celui qui détient le commandement, une chose qu'il déteste, qu'il patiente sur lui. Car en vérité, celui qui se sera écarté du groupe, el-jama'a, un seul groupe, du groupe, ne serait-ce que d'un empan, sera mort sur une mort de l'époque anti-islamique. Dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une autre version, nous trouvons, lorsque les sahaba ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos d'un gouverneur qui est comme ceci et comme cela, c'est-à-dire qui est mauvais, qui est injuste, ils ont demandé, ne va-t-on pas lui reprendre le commandement par l'épée, dans le sens de leur parole? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, non, du moment qu'il officie la prière, dans le sens de ses paroles. Puis Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, comme dans son livre l'Istiqama, c'est pour cela que faisait partie des fondements de la sunna, des gens de la sunna et du groupe, de rester avec le groupe des musulmans et de délaisser le combat des imams, c'est-à-dire de sortir, de se révolter, de combattre les imams, c'est-à-dire les gouverneurs, et de délaisser le combat et la révolte lors des troubles. En revanche, les gens, ceci est la parole du Cheikhul Islam dans son livre l'Istiqama, en revanche, les gens des passions comme Al-Mu'tazila, ces derniers voient la révolte et le combat des imams, des gouverneurs, parmi les fondements de leur religion. Regardez ici, les gens de la sunna, Ahl sunnati wal jama'a, se démarquent des gens de l'innovation parmi le Mu'tazila, le Khawarij et autres, par le fait que parmi les fondements de la sunna, écouter et obéir au gouverneur et délaisser la révolte, délaisser le fait de se révolter contre le gouverneur musulman. Et ceci, même si ce dernier est injuste, comme on l'a vu au cours de la semaine dernière, comme il est venu dans ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim, dans son sahih, le hadith qui est rapporté par Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Patiente et obéis, même si même si le gouverneur te frappe le dos, même si ton dos est frappé, donc ce qui est voulu ici, c'est même si le gouverneur te frappe le dos et prends tes biens. » Même à ce moment-là, on doit obéir et écouter le gouverneur, oui, car il y a dans la révolte du gouverneur à ce moment-là une contradiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de sa sunna, une contradiction du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y a en plus de cela un mal plus grand que celui qui, dans le fait de se révolter contre le gouverneur, ceci amènera un mal plus grand que le fait de patienter, même si ce dernier te frappe le dos et prend tes biens. Et ceci est une chose que on s'étonne d'avoir à le répéter encore aujourd'hui, c'est-à-dire pas d'avoir à le répéter dans des cours où on expose les fondements des gens de la sunna, car ceci ne s'arrêtera pas, incha'Allah, jusqu'à ce que Allah tabaraka wa ta'ala reprendra nos âmes. Mais le fait de répéter ça à des gens qui ont encore des doutes sur ces fondements-là, après justement ce qui est arrivé de ces soi-disant révolutions, de ce soi-disant printemps arabe, comme ils l'appellent, Kadhaboun, le mal qui s'est répandu dans les terres d'islam depuis ces soi-disant révolutions. Il y a encore un doute, ça laisse encore un doute que ces choses-là ne sont pas de la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les révolutions, les manifestations, même si ces derniers prétendent qu'elles sont pacifistes, ce sont des menteurs. Ce n'est pas la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons, ni de ceux qui les ont suivis dans le bien. Il n'y a pas de bien sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ait indiqué. Et il n'y a pas de mal à propos duquel il ne nous a mis en garde, sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, nous avons la mise en garde dans ces textes contre la révolte du gouverneur. Et la révolte du gouverneur passe par les actes et la parole. Les actes et la parole. Une personne qui rappelle les méfaits du gouverneur dans des assemblées, ceci est déjà une sortie contre lui, un khourouj contre le gouverneur. Il y a donc le khourouj qui se divise en deux. La sortie contre le gouverneur se divise en deux. La sortie par l'épée et la sortie par l'isan, la langue. À partir du moment où une personne monte sur le minbar et évoque, même si cette personne n'appelle pas à se révolter, le simple fait qu'elle évoque des défauts du gouverneur est une chose qui amène les gens à se révolter, amène les gens à être insatisfaits du gouverneur, ce qui les amènera plus tard à se révolter par des manifestations, par des grèves, par des, toutes ces choses qui n'ont rien à voir avec la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de bien si ce n'est dans le suivi de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis et ceux qui ont suivi ses compagnons dans le bien. Ridwanallahi alayhim ajma'in. Et comme je l'ai dit dans le cours précédent, les cinq fondements des al-Mu'tazila, quels sont-ils? On a dit ici dans la parole du Cheikh l'Islam que parmi les fondements de l'Mu'tazila, l'Mu'tazila ce n'est pas une chose qu'on lit simplement dans les livres, il y en a encore qui sont présents aujourd'hui, il y a des du'at de l'Mu'tazila comme des du'at de l'Asha'ira, comme des du'at de l'Rawafid al-Shi'a, comme des du'at de l'Khawarij, il y en a plein. Tu ouvres simplement ces réseaux sociaux, le YouTube, etc., tu vas en voir plein de ces gens-là. Même s'il ne se dit pas, moi je suis Mu'tazila, mais ses fondements sont des fondements de l'Mu'tazila. Il a bu le lait de l'Mu'tazila, il a été éduqué selon la voie de l'Mu'tazila, de l'Khawarij, etc. Il s'appelle comme il veut, ça ne change pas la réalité de la chose. Et il y en a, comme j'ai dit, sur ces réseaux sociaux, il y en a aussi dans les mosquées. Dans le 91, il y a des mosquées où il y a des gens qui appellent à cela. Et ces gens-là, il nous est obligatoire de mettre en garde contre eux. Les cinq fondements de l'Mu'tazila. on a dit que parmi ces cinq fondements, ce fondement qui a été évoqué ici par Cheikhoul Islam, qui est... Hein? Vous vous rappelez? Ils appellent ça comment? Inkar ou Munkar. Ils lui donnent une belle apparence. Ça, c'est comment dire, les caractéristiques des gens de l'innovation. Ils donnent une belle appellation à une chose qui cache le soum, qui cache le poison. Ils appellent ça parmi leurs cinq fondements. Je n'évoquerai pas les cinq fondements ici, ça, c'est le sujet d'un autre cours, mais ils appellent Inkar al-Munkar chez le Mu'tazila. Qu'est-ce que Inkar al-Munkar chez eux? Le fait de se révolter, de sortir contre le gouverneur injuste. Ramenez-nous un seul hadith, un seul verset, nous indiquant que le gouverneur, j'ai évoqué ici les versets du livre d'Allah, de même que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a plein qui indiquent l'obligation d'écouter, d'obéir le gouverneur musulman, ceci même s'il est injuste. Ramenez-nous un seul hadith, un seul verset, nous indiquant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a autorisé de nous révolter contre le gouverneur musulman s'il est injuste. Cheikh Abd Salam Ibn Barjes, rahimahullah, dans son explication de Al-Usul Sitta, nous dit que ce fondement est indissociable du fondement précédent, qui est donc l'ordre de se réunir et l'interdiction de se diviser en religion. Et ce fondement nous montre ou nous indique que le l'ijtima', c'est-à-dire le fait de se réunir en religion, ne peut se réaliser que lorsqu'il est construit sur certains fondements. Et parmi ces fondements, il évoque cinq fondements, rahimahullah. Le premier de ces fondements, Cheikh Abd Salam Ibn Barjes, il dit, rahimahullah, le fait de se réunir sur l'islam. Et l'islam, c'est la soumission à Allah et son obéissance et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Donc, al-ijtima', le fait de se réunir en religion, ne peut se réaliser que si ce regroupement se fait, ou cette réunion se fait lorsqu'il est construit sur cinq piliers, ici évoqués, où il nous dit, rahimahullah, que s'il est construit sur des piliers, il nous en a évoqué ici cinq. Le fait de se réunir sur l'islam. Le deuxième de ces piliers, que tu comprennes ce rassemblement, ce jtima', comme l'a compris As-Sahaba, selon le livre d'Allah et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième de ces piliers, que les gens ont un endroit sur lequel ils peuvent pratiquer leur religion et pratiquer les signes distinctifs de la religion et appeler dans cet endroit à Allah tabaraka wa ta'ala. Revenez pour plus de détails au cours de l'Usul al-Thalafa sur la hijra et les détails de cela, l'émigration. Le quatrième de ces piliers, la présence d'un imam, d'un gouverneur qui préserve ce rassemblement, cette réunion des musulmans, et qui juge selon la droiture, l'équité. Le cinquième de ses fondements, l'obéissance et l'écoute de cet imam. Donc, ici, Cheikh Abd Salam, rahimahullah, nous rapporte les cinq fondements par lesquels, ou cinq fondements sur lesquels repose l'ijtima', le fait de se rassembler en religion, qui est le fondement précédent. Et il nous dit que, donc, ce rassemblement ne peut être authentique et ne peut être aussi appuyé par Allah tabaraka wa ta'ala que s'il est construit sur ces cinq piliers. Et parmi ces cinq piliers, l'écoute et l'obéissance au gouverneur des musulmans. Donc le fondement que nous étudions aujourd'hui. Puis il nous dit, rahimahullah, qu'il y a ici beaucoup de hadiths qui réunissent ces trois fondements qui ont précédé, donc le tawhid, le fait de se réunir en religion et l'écoute et l'obéissance au gouverneur. Il y a beaucoup de hadiths qui réunissent ces trois fondements en un seul. Dans un seul hadith. Comme cela, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ses paroles, « Certes, Allah agrée pour vous trois choses. Que vous l'adoriez et que vous l'adoriez et que vous ne lui associez rien. Que vous vous cramponniez ensemble au câble d'Allah et que vous ne vous divisiez pas. Le deuxième. Et le troisième, et que vous conseillez ceux qu'Allah, à qui Allah tabaraka wa ta'ala, a donné le commandement parmi vous. Et dans le hadith rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens de ses paroles, il enjoint donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint d'écouter et d'obéir dans la difficulté comme dans la facilité, dans ce que nous aimons, dans le sens de ses paroles, comme dans ce que nous détestons, et ceci même si cela va à l'encontre de ce que ou ce vers quoi penchent nos envies. Et Cheikh Abdeslam nous dit que ce qui est voulu ici, c'est que tu dois écouter et obéir dans ce que tu agrées comme ce que tu n'agrées pas. Lorsque l'imam, le gouverneur, t'ordonne d'une chose que tu agrées comme une chose que tu n'agrées pas, une chose que tu aimes comme une chose que tu détestes, tu dois lui obéir. Que ce soit une chose difficile ou une chose facile, que ce soit une chose qui est bien pour toi ou une chose qui est mauvaise pour toi. Ici, un petit détail qui est très important. L'obéissance du gouverneur n'est pas une obéissance absolue. At-ta'a al-mutlaqa. L'obéissance absolue est due à Allah et son messager. L'obéissance absolue est due à Allah et à son messager. L'obéissance au gouverneur des musulmans est conditionnée. Elle n'est pas absolue. Et ce qu'on a cité ici, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas en contradiction avec cette parole. C'est-à-dire que tu dois lui obéir dans ce que tu agrées et ce que tu n'agrées pas. Dans quoi est-elle conditionnée ? Tadal Salim. Pas d'obéissance au gouverneur s'il y a une désobéissance au... Elle est conditionnée par ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « La ta'ata li makhlouq fi ma'asiyati al-khaliq ». Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Et ceci est valable pour tous ceux qui ont une tutelle. Le gouverneur des musulmans, comme le père dans son foyer, et autre que cela. Ton enfant n'est pas dans l'obligation de t'obéir si tu lui ordonnes de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Tu n'es pas dans l'obligation d'obéir à ton père s'il t'ordonne de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. De même que tu n'es pas dans l'obligation d'obéir au gouverneur si ce dernier t'ordonne de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et le fait de ne pas lui obéir ici ne veut pas dire que tu te révoltes contre lui. Une personne ne comprend pas cette chose-là de cette manière que si sa saine nature a été changée. Comment peut-on comprendre le fait que tu ne dois pas obéir à quelqu'un? Que tu ne dois pas obéir à quelqu'un s'il t'ordonne de désobéir à Allah et son messager, par le fait que tu te révoltes contre lui et tu le combattes. Prenons à une plus petite échelle pour bien comprendre. Si ton père t'ordonne de désobéir à Allah, tabaraka wa ta'ala, reste ici, ne prie pas la prière de l'Asr. Ne prie pas. Tu te dois de lui désobéir. Est-ce que cette désobéissance t'emmènera à te révolter contre lui, à le frapper, à te révolter, à le faire sortir de la maison? Ça, c'est à une plus petite échelle, à une plus grande échelle alors. L'échelle du gouverneur. Ce n'est pas une bonne manière de comprendre les textes. Vous comprenez? Donc comprenez bien que là, l'obéissance absolue est due à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'obéissance au gouverneur est une obéissance conditionnée. Conditionnée par quoi? Par le fait qu'il soit juste? Non. Pas dans un seul texte, on trouvera le fait qu'il soit juste. Plutôt, on trouvera l'inverse de cela dans les textes, comme dans le hadith de Hudayfa. « Isma' wa ati' wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. » Écoute et obéis, même si il te prend ton argent et il te frappe ton dos, il te frappe le dos. Donc on ne trouve pas cette condition-là, la condition qu'il soit juste, la condition qu'il soit pieux et qu'il affiche clairement cette piété à tout le monde. Non. Ça ne vient pas dans les textes du Coran et de la Sunna. La seule chose qui vient dans les textes du Coran et de la Sunna, c'est ce hadith. Donc la condition de qu'il ne t'ordonne pas de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'il t'ordonne d'une chose qui est de l'obéissance d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu l'obéis suivant l'obéissance d'Allah et de son prophète. Une chose où il n'y a pas de désobéissance, tu l'obéis parce que c'est le gouverneur des musulmans. Et à ce moment-là, tu seras dans l'obéissance d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aussi, puisqu'il t'a ordonné d'obéir au gouverneur des musulmans. Ceci est très important. Ici, Cheikh Al-Islam nous dit, figure parmi ceux qui parfait l'unité, donc le deuxième fondement, l'écoute et l'obéissance à celui qui nous gouverne, le troisième fondement. Quand bien même il s'agirait d'un esclave abyssin. Ici, donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, écoutez et obéissez, et même si c'est un esclave abyssin, donc venant d'Abyssinie, qui est votre émir, qui est votre gouverneur, qui a une tête comme la tête d'un raisin sec. Et Cheikh Abd Salam nous dit ici, rahimahullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'écouter et d'obéir, même si celui qui est notre gouverneur est un esclave venant d'Abyssinie. Et donc il a, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, l'a particularisé par l'évocation, c'est-à-dire qu'il a évoqué en particularité ici un esclave abyssin, donc venant d'Abyssinie, la région qui englobe l'Éthiopie, l'Érythrée et autres aujourd'hui, une partie de la Somalie et autres. Il a, sallallahu alayhi wa sallam, l'a particularisé par l'évocation de ce hadith, afin d'éclaircir et de démontrer que l'obéissance est obligatoire au gouverneur, et il n'y a pas comme condition d'obéir au gouverneur que la personne qui gouverne les musulmans soit de plus haute lignée que ceux qui sont gouvernés. Un esclave abyssin, même s'il y a parmi le peuple gouverné des gens qui sont plus élevés, que ce soit qui ont plus d'argent, qui ont un plus haut rang selon leur lignée, qui ont un plus haut rang selon les critères mondains, ceci n'est pas une condition. Et nous le voyons clairement dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous ordonne d'obéir et d'écouter le gouverneur, ceci même si cette personne est un esclave venant d'Abyssinie. Donc cette condition-là, la condition que le gouverneur soit expressément de Quraysh, et si cette personne ne fait pas partie de la lignée de Quraysh, nous ne l'écoutons pas. Ceci est une ambiguïté, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invoque ceci dans un hadith, que les gouverneurs ou ceux qui détiennent le pouvoir sont de Quraysh, dans un hadith qui est authentique. Et certains parmi les gens de l'innovation, parmi les Khawarij, utilisent ce hadith pour dire, s'il n'est pas de Quraysh, nous ne lui devons pas l'obéissance. Comme ils disent que s'il n'est pas juste, nous ne lui devons pas l'obéissance. Et les ulama disent que si ceci existe, s'il y a une personne qui fait partie de ceux qui détiennent le pouvoir et qui fait partie aussi de la lignée de Quraysh, ceci est meilleur. Ceci est meilleur. Mais à défaut, ceci n'est pas une condition. Comme dans ce hadith, comme nous le voyons clairement. C'est-à-dire le fait toujours de prendre un hadith et de juger dans sa religion avec un seul hadith et de délaisser le reste des textes du Coran et de la Sunna, et ceci qui amène beaucoup de gens de l'innovation à tomber dans ces innovations. Ici, je termine sur cela simplement, la manière de conseiller le gouverneur. Certains de ces gens de l'innovation prétendent que par leur khotab, lorsqu'ils évoquent que le gouverneur a fait telle et telle et telle chose, ittaqillah, ils disent cela sur le minbar. Parfois dans le pays même, parfois à des milliers de kilomètres, ils parlent du gouverneur d'un autre pays, de leur pays d'origine ou autre. Ittaqillah, tu as fait telle et telle chose, tu as fait telle et telle chose, et tu évoques les défauts du gouverneur. Premièrement, ces personnes-là, ce sont les premières à parler, des gens de la sunna, lorsqu'ils évoquent les défauts, et qu'ils sont dans leur droit d'évoquer leurs défauts, de leurs savants à ces gens-là, en disant tel et tel fait partie des gens de la bid'a, il a dit telle et telle parole, ceci est une erreur, telle et telle erreur, et ils leur font ce qu'on appelle le jarh, ce qu'on a parlé précédemment, qui fait partie des fondements des gens de la sunna. Ils sont les premiers à dire ces gens-là, ce sont des gens de l'jarh wa ta'dil, ils n'arrêtent pas de parler de cela, il n'y a pas un qui a été préservé de leur langue, ces personnes-là sont des gens qui tombent jour et nuit dans la médisance. Ce sont les premiers à parler sur le minbar du gouverneur. Il n'y a pas de médisance pour le gouverneur. Allahu Akbar. Deuxième chose, la manière que tu as de conseiller le gouverneur. Si vous prétendez que ceci est un conseil pour le gouverneur, premièrement, le gouverneur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comme le reste de notre religion, il est bon de le rappeler, encore une fois, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé un bien sans avoir indiqué ce bien à sa communauté, n'a pas laissé un mal sans avoir mis en garde sa communauté contre ce mal. Et les gens qui sortent de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam oublient cette chose et manquent de respect au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois qu'ils commettent une innovation. Comme le dit l'imam Malik rahimahullah, celui qui prétend qu'il y a une bonne innovation, il a certes prétendu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a évoqué comment faire le conseil au gouverneur. Le gouverneur fait des péchés, le gouverneur a des défauts. Comme le reste des musulmans, tu le conseilles. Comment tu conseilles le gouverneur? De par sa place, sans aucun doute, il y a une manière précise, une manière particulière de le conseiller. Comment faire? Comme on l'a évoqué au cours dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que si tu veux conseiller le gouverneur ou celui qui détient le pouvoir, tu le prends par la main. Tu restes seul avec lui et tu lui fais le conseil. S'il accepte ce conseil, c'est un bien. Et s'il ne l'accepte pas, tu as fait ce que tu avais à faire. Dans le sens de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est la manière de conseiller le gouverneur. Revenons maintenant à la manière de faire de Al-Khawarij wa Al-Takfiriyun wa tous ceux qui ont suivi cette voie parmi Al-Ikhwan, Al-Muslimoun et autres que eux. Le fait de monter sur le minbar, ou pendant un cours, ou dans des écrits, ou dans des réunions, de parler sur tel et tel gouverneur, encore une fois, d'un pays qui se trouve, ils parlent de cela, ils sont loin de ces gens-là. Même s'ils sont dans le pays de cette personne-là, sur le minbar, comme cela. Est-ce qu'il a pratiqué la manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit dans ce hadith? Sans aucun doute, non. La deuxième chose, ils prennent en preuve de leur manière de faire. Ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est authentique, ce hadith se trouve dans le Sahih de l'imam muslim, effectivement il est authentique. « Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair » Dans le sens approximatif de ces paroles, le meilleur des combats est le fait de donner une parole, de dire une parole de vérité auprès, dans le hadith, auprès, inda, auprès d'un gouverneur injuste. Et ils utilisent ce hadith-là, ils disent, regarde, ça c'est la preuve qu'on peut sortir contre le gouverneur, que Mohamed Hassan, quand il a parlé sur le gouverneur, il était dans son droit, Abu Ishaq al-Huayni était dans son droit, Al-Qardawi, il est dans son droit, Fulan wa Illan, ils sont tous dans leur droit. Kazzaboun, des gens de l'innovation. Qui n'ont rien à voir avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Revenons à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier hadith, je l'ai donné. Le deuxième hadith qui est là, il est authentique. Mais quand une personne a été élevée et a été sevrée par le lait des groupes innovés et des gens de l'innovation, sans aucun doute, c'est un hadith, ils ne les comprennent pas comme il le faut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Afdalul jihad kalimatu haqqin » une parole de vérité, le meilleur des combats est une parole de vérité. Inda Sultan Injair. On lui demande Inda, auprès. Est-ce que lorsque tu es à 5000 km du pays et que tu fais ce genre de choses sur le YouTube et tu dis que le gouverneur craint Allah Azzawajal, comme ça, les gens de. Comment il s'appelle le Hirak? Il faut faire comme ça. Les gens de. Comme ça, au Mali, en Maroc, en Algérie, dans tous ces pays, lorsqu'ils sont là sur le YouTube, ils disent au gouverneur craint Allah. Devant tout le monde. 1 million de vues. Là, tu étais inda. Là, tu étais inda auprès de lui. Tu as fait comme le professeur Sam a demandé. Tu lui prends par la main et tu te trouves seul avec lui pour lui donner ce conseil. Tu ne peux pas faire ça. Écris une lettre. Essaye de lui faire parvenir. Mais sans aucun doute, ça là, c'est une très mauvaise compréhension, une compréhension très erronée de ce hadith. Sur le minbar, tu étais inda. Il a dit inda, il n'a pas dit minwara'i. Il a dit auprès de lui, pas par derrière lui. Dans son dos, si tu veux le bien pour ce gouverneur. Mais apparemment, chez ces gens de l'innovation, il n'y a pas de médisance pour le gouverneur. Il y a de la médisance pour tout le monde. Même la pire des personnes qui a innové les plus grandes innovations dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas parler sur lui. Sinon, ça va mettre la dissension, comme on l'a dit lorsqu'on a expliqué le dernier fondement, ça met le dissension, ne parlez pas le mu'tazil, la shi'ira, on est tous des musulmans, chacun il a son groupe, il appelle à Allah de son côté. Mais pour le gouverneur, pas de médisance, sans pitié comme on dit. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.